étaient un peu heureux. Les codés nous prenaient en photo. Aujourd'hui je prends des photos avec Jean. N'a rien à foutre de ta boîte, mais les videurs s'écartent quand je rentre. Elle m'a vu sur YouTube. Quand elle me voit, elle écarte les jambes. Les anciens perdent la boule. Genre de la cage à poule. Je récupère ma fouille. Complètement rien à foutre. Genre chez moi. J'ai percé, mais je reste le même. Il a faut un Glock dans la bouche pour qu'ils comprennent. Stop, arrête, place un cut. Des terres depuis placenta. Je rentre, moi je veux pas faire la fête. Au couteau j'évite le drame. Pif, arme, kilogramme, vrai balle, zéro drame. Je qui fait chaud, braille, trop frappe, se relève pas. Certains rêves manquent à l'appel, reviennent quand c'est l'heure de la paye. Oh, mon cœur s'abîme, j'ai battu ma hache dans la cabine. Retrouve mon choqué sur la capi, enfoiré la rue n'achète plus mes habits. Pull up dans le quartier, pilote au karting, sur ton parapluie, voyons t'as qu'à le dire. On s'en fout de ton avis, c'est les grands des grands qui l'a amené ta gâchir. À l'ancien non pipe, non life, grandi dans la tête, ça fait ta bête de l'or. Lui, il est plus trop là, il regarde quand il y a grave du monde. Bonhomme, c'est l'homme qui fait la tête, si c'est la tête qui le trompe. Embrouille coup de pompe, embrouille coup de croque, embrouille coup de couteau, embrouille coup de chasse. T'as besoin d'un coup de pouce-toi, hein. Bizarrement, c'est toi qui es plus serein. Ouais, allez, pousse-toi, hein. Tu mérites pas un salaire, mais j'ai envie de te dire que.